Le bon Dieu définit le ciel avec la terre. Les patriotes y ont encore pour le faire. Les créer l'homme à son image. Les balayer comme compagnie. Les mettre en paradis terrestre. Ils n'ont pas souffri, ils n'ont pas gringo. Les baillots ont pris défendu. Sinon, manger, on va pêcher. Satan te jaloux son rêve. Mais les diens pour qu'ils n'ont pas mangé. Ève dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon, manger, on a désobéi. Adam, pas tout là, l'ivine rivée. Ève dit manger et puis goûter. Adam dit non, non, bon Dieu, pas v'lé. Sinon manger, n'a va péché. À peine goûter, puis valer. Bon Dieu paraît la contrôler. La désobéissance à Adam et Ève n'aurait laissé ça péché mortel. La malédiction vient nous résailler. Bon Dieu chasse nos paradis terrestres. N'a pas souffrir, n'a pas grand goût. À la suite de ton fond, n'a pas manger. Quelques jours après, bon Dieu arrivé. Mais le dinoé bâti en lâche. Famille noé, pas de gens péché. Mais qu'on délige qu'après l'hiver. La pluie tombait 40 jours, 40 nuits. N'aurait laissé un délige universel. Famille noyée, pas de jambes péchées. Priez bon Dieu pour y sauver. Noyé fait ça, la vie est gâtée. Descendez. Descendez l'arche. Pas mon bon Dieu, était paix.